Les pompiers font partie des véhicules d'intervention urgente. Ils sont prioritaires lorsqu'ils sont en mission et qu'ils utilisent leurs avertisseurs sonores et lumineux. Aux intersections, il faut leur faciliter le passage. Ici, personne ne me suit. Je ralentis et les laisse partir. Réponse A.